J'ai un trou dans le cœur que je comble tous les jours et je compte les heures, je comprends ceux qui deviennent fous. J'ai les mêmes manies, j'ai les mêmes amis. Quand je pleure, toi tu ris, le bonheur je le prie. Un Larsen dans la tête que je tue, dans la fête j'aurai toujours le temps de retrouver mon nom. Le plus fort, c'est le premier.